Non, c'était quoi le gag? Au début, je disais, la chanson va se terminer, puis là, je vais avoir le gag, puis plus je le dis, puis moins je sens le punch. J'ai peut-être tombé dedans. Attends un peu, Irma la douche. Qu'est-ce que j'avais de drôle sur dire Irma la douche? Comme disait Irma la douche, va te laver, mon crotté. Ouais, c'est peut-être c'est ça. Non, mais c'est pas comme ça que je voulais l'amener. C'est avec beaucoup plus de finesse, à l'image d'une émission, Errance Renanienne. Ouais. Non, c'était au moins. Non. Va te laver, mon crotté, peut-être. Il y a moi la douche. Pour les initiés, là. Les autres, ben, cherchez dans votre dico. Dico. Dico! Dico Laston! Hey, comment ça va, vous? Amis ES. Ça, c'est Amis ES, hein? Les amis, eux, ben en tout cas, madame, mademoiselle et les autres, bonsoir, bonne nuit. Bonne nuit, la grande, la belle. Chanson de Michel qui? Michel Sardou. Mais t'as l'air d'un Michel Sardou, toi. Michel Courtemanche. Il fait de la musique, Michel. Il fait de la musique avec son visage. Oh, il fait de la musique avec son visage. Michel Courtemanche. Bravo. Un autre Michel. Michel Galabru. Ouais, il peut chanter sous la douche, lui. Devant Irma la douche. Oh, imagine réciter du Pagnol. Ce serait rigolo. Mais sans caméra, je ne veux pas dire que M. Galabru n'est pas à la hauteur de sa beauté. Mais bon, on peut se passer peut-être de l'image, puis s'intoniser et s'intéresser au son. The singing the rain. Et monsieur, c'est quoi ça? C'est de la pluie? Plus de pluie que ça, là, tu te noies dans l'eau bénite. En parlant d'eau bénite... Je pensais pas que j'allais parler de ça. Je croyais pas. Mais là, ça vient de tomber. Comme la dépêche. Hey, c'est vrai, j'ai une dépêche qui tombe. Hey! Il y a des fils d'événements qui arrivent comme ça. La dépêche. Et où la dépêche? Sous la mèche. Ah oui, la dépêche. Deux personnes du lac Saint-Jean viennent d'oublier leur passeport pour aller à New York. Là, vous voulez savoir davantage l'histoire pour le raconter pas demain, oh, vendredi, oui, demain. En fait, aujourd'hui, à vos coéquipiers, coéquipières, amis, amises, et puis prépises, prostituées, en tout cas. Entre vous, hein, amis à gosse et amis gosses, écoutez, arrête de trouver le féminin des féminins, puis du masculin des meilleurs, en tout cas. C'est houbleu. Non, c'est houblon. Houblon. Et moi, c'est Juliette Françoise ou Simone, quel que soit le nom, parce que c'est, il dit, hein, qu'elle le soit houblon de cheveux raides ou frisés, j'ai toute envie de les embrasser. On sent un peu le boc là-dedans, le boc qui frotte l'autre boc, là. Pas les orignaux, là, mais les bocs remplis de feu. Hein? C'est du plaisir, là, hein? Juliette Françoise ou Simone. Imagine le petit père Gaudouin qui roule sur la 40. Ou la. Non, la route 11. La chanson de Jean-Pierre Ferland, là. À 100 000 à l'heure sur la route 11. Imagine qu'il chante Juliette Françoise en zigzagant, là. Oh, c'est plaisant. Mais parce qu'il est seul. Personne derrière, personne devant. C'est mieux, c'est comme dans un sauna. Mieux vaut qu'il y ait personne devant, personne derrière. Hein? On sait jamais. Surtout, ne rien échapper. Car échapper, prenez ça en note, là, madame. Puis surtout, monsieur, échapper, c'est ramasser. Qui dit ramasser? Vous allez ramasser, mais vous pouvez vous faire ramasser également. Hein? Mais vous, l'intonation ramasser, ça fait déjà mal, hein? Hey, ça fait mal à mon cœur d'animal, la télé principale. Je ne suis pas père périscope. Je n'ai jamais regardé. C'est quoi l'émission là, avec le père Sagouin? Avec Marie-Soleil, puis Fort Boyard! Fort Boyard! Hein, ça prouve que je suis un ancien, moi, là. J'ai dit Marie-Soleil! Quoi que ça repasse-tu dans les émissions de regrets d'aujourd'hui? Hein? Hey, monsieur, ça, c'est des genres d'émissions de chaises berçantes. Tu te berces, tu regardes ça. Ah oui, ben, je me souviens de ça. J'ai longtemps. Ben oui, c'est ça. Regarde ton passé, là. Oublie le futur, là. Puis fais un pays tout croche. C'est pas ça, là. Arrête-toi au présent, ouais. Connais aussi le passé pour pas répéter les idioties. Qui dit idiotie dit... Dis rien. Tu peux te mettre dans la chenoute. Et quand tu te mets dans la chenoute, c'est dur de se remonter puisque c'est très, très solide, la chenoute. C'est pas liquide. C'est du solide. Plus c'est solide, plus on te regarde. On te regarde t'enfoncer. On dit « Oui, tombe, là. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se recasser le cou. Casse-toi là le cou, ouais! Tu vas périr. Mon magasin va être plus gros que le tien. Va te manger. » C'est ça, hein? C'est l'économie de marché, ça. Eh, monsieur, c'est sauvage. Là, papa va dire « Ben, c'est normal. » Hein, dans la faune, qu'est-ce qui arrive dans la faune? Hein? Les petits se font manger par les gros. Hey, j'ai vu il y a quelques semaines un gars sur la gelée humaine. Il courait mon. C'est aussi pire que lequel, donc? Speedy Gonzalez! Parce que vraiment, là, ça m'a l'air pas mal à un, là. Je te vois aller, là, tu pognes les fesses de ta bonne femme, puis en fait, les fesses, le postérieur des plus généreux, là. Oh, j'aime ça, moi, là. En public, là, devant, ben, il faut dire qu'il était 3h du matin, mais vraiment, là, à l'extérieur, puis là, la fille, eh, ouvrez. Ben là, je sais pas si j'allais ouvrir, là. Je filmais, là, avec ma caméra HD. Je mets ça, moi, à la fin de l'année, là, tu sais, on dit, ben oui, ça se passe juste dans des endroits un peu plus underground, mais même dans le côté UP, il y a du monde qui se perd en voiture, là, hein. Des gens qui allaient à l'envers, on va voir où il est, on est debout, on a perdu le chemin, puis là, il arrive dans le quartier bourgeois, pseudo-bourgeois, endetté. Oh, mon Dieu, il y a plein de la lumière, ils ont les moyens financiers, eux autres, hein? Oh, les ordures sont ramassées au quart de tour. Oh, mon Dieu, Seigneur, c'est merveilleux. Chez nous, c'est quoi, une fois par trois semaines? On paye pas cher d'un peu de taxes. Notre mère est pas gentille pour nous autres. Beaucoup plus quand il y a des visiteurs. Pas des visiteurs terrestres. Des visiteurs intra et extraterrestres. Ils viennent prendre des photos, ils mettent ça sur Internet. C'est pas les voitures de Google Maps. Avez-vous visité www.paranoïde.com? Tout ce que les ovnis nous ont pris comme photos, comme filmographie, ils ont enregistré au niveau sonore, visuel et tridimensionnel. Vous commencez pas, hein, connaissez pas ça, tridimensionnel, hein? C'est même pas dans le dictionnaire! C'est inventé par eux autres! Ils me l'ont dit! Là, ben, comme c'est une émission humoristique, hein, ils m'ont laissé le choix de vous le divulguer. De vous le dire. C'est un secret. C'est fou, hein? Mais c'est très fou. Tu passes pour un quoi? Pour un illuminé. Fring! Monsieur, oui. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant. Et là, ça me tente. De vous parler de la vie, parce qu'on nous a eu pendant toute notre enfance, notre pré-enfance, à l'époque où nous étions fœtus et fêteux. On fêtait-tu dans ce ventre-là, hein? Oh, il y avait le party 24 heures sur 24, il faisait chaud, il faisait beau, il y a de la bouffe qui rentrait n'importe comment, n'importe quand. Liquide, solide, oh, même des affaires bizarres. C'est quoi ça, maman? Voyons, non! Tu m'as dit, doc! Non, c'est ton père, mais oh mon Seigneur, OK. Mais c'est pas ça, là. Hey, la vie des icônes, ça veut dire que pendant un temps, il fut un temps où on nous gavate. Gavise. Devise. Devise qui vient dîner ce soir. Oh, Normand Bratpoise. Non, mais c'est pas ça. C'est l'histoire, c'est on l'a appelé Davy Crockett. Mais c'était pas ça. C'était Davy Crockett. Parce que c'est un mec là, qui avait déjà compris la carte de débit. En dessous de son chapeau de castor, là, avec le petit castor dessus, là, à l'intérieur, il avait sa carte de débit. Puis à chaque fois qu'il se présentait quelque part, là, il achetait des miroirs pour vendre aux Indiens. Puis en tout cas, des affaires de même. Puis des peaux d'ours. Puis lui-même avait des castors. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Puis des bûches. Il y avait de la pitoune en... Ah, tout, il y avait une gang de pitoune en arrière. Là. Oh là là, parce qu'il y avait la carte de débit. Puis ça, là, ça attire beaucoup de pitoune. Encore beaucoup. Hey, je te dis que davantage Credit. Credit Crockett, ça, c'est son frère. Son frère avait peut-être le troupeau de félines derrière. Ça, c'est bien de l'avoir derrière, parce que devant, après ça, ben, ça fait des affaires. Puis on peut se mettre vraiment dans des frais un peu trop onéreux à notre goût. Parce que c'est bien beau, là, entrer dans le compte de banque, mais à un moment donné, il faut défrayer. Puis quand on défraye, à un moment donné, on s'effraie. Ah! Pension alimentaire sur pension alimentaire, pension sur la amende où l'aliment nous manque et puis on cherche des mensonges. Ah bien écoute, je pense que on m'a annoncé une mort qu'on m'annonce maintenant. Là. C'est l'annonce de la mort annoncée et puis j'aurais pas les moyens de. Mais on peut régler à hein? Pardon, excusez-moi, je voulais pas dire à mon épaule. Non, je te manque pas d'intérêt, voyons, les principales. Mais. Ben ouais, y en a, ouais. Je suis pas un illégitime, moi, là. J'ai des autres. Non. Je suis un gars qui tient ses promesses, mon amour. Mes amours, en tout cas, à vous, chères femmes qui avez eu des enfants de mon Davy Crockett. Hey, non, mais les crédits et les débits, c'est épouvantable, mais en même temps, c'est quelque chose qui allait nous arriver sans même... Hey, avez-vous remarqué que souvent, les articles ou les noms, c'est quoi, les quoi, pardon, le futur, ah oui, c'est ça, les apports techniques nous arrivent sans même qu'on les demande. Excusez-moi, avez-vous ressenti pendant 15 secondes, j'ai eu une absence? Comme disait Annie Girardot, absence prolongée. Très beau texte d'Annie Girardot. Mais ça m'arrive d'avoir des absences. En fait, il y a eu comme... une étoile filante. Là, je me suis dit, là, en 15 secondes, arrêtons-nous l'émission. Là, je dis, on continue. Bon, on va aller loin là-dedans. Puis, Davy Crockett, qui se prenait pour le roi des rois, avait pas vu son frère, Credit Crockett, qui, lui, avait les meilleurs des meilleurs, les plus légitimes des légitimes. Là, ben, de vous dire qu'un était meilleur que l'autre, à la hache, tu sais, que comme Daniel Boone, là. Daniel Boone, c'est son nom, on le chante! Hey, c'est un gars, ça, avec la hache. Actuellement, là, à quoi ça sert? Ce terme-là, c'est à fumer. Mais à l'époque, c'était vraiment l'article, comme je le disais tout à l'heure, hein, les articles nous dépassent et nous trépassent, mais c'était l'article que l'on utilisait pour couper des arbres. C'était pas une scie à chaîne. Aujourd'hui, c'est... Mais à l'époque, c'était... Hey, hurry, hurry, up. Hey, hurry, hurry, up. I'm a neighbor and luck. I'm a neighbor and luck. On peut faire ça pendant 25 minutes. I'm a neighbor and luck. Avez-vous remarqué? Oui, attention, j'ai craché au début, regardez. Hein? C'est qui a enregistré ça, là? Quel amateur, provocateur, incitateur à la violence? Marcel? C'est pas toi, Marcel, voyons donc. Toi qui as l'oreille attentive, l'oreille silencieuse, l'oreille capricieuse, l'oreille qui cherche à séduire. C'est quoi ça? C'est quoi le début? C'est un crachat vers mon public que j'adore, qui m'a amené à mon 400e la semaine prochaine. C'est mon 400e... ma 400e émission d'Errance Rénaldienne. Tu viens de souiller avec ça. Mon image de marque. De marque? Non, pas de marde, de marque. Comment ça, mon image de merde? Viens donc, Marcel. C'est le temps de prendre des vacances, là. On va te payer un billet à aller. Aller vers l'enfer. T'envoyer à la guerre là, de symétrie. Tu vas voir que les courbes sont longues, que les coins sont durs, que l'éternité ne dure pas seulement un jour. Encore là, des liens cinématographiques, là. Pardon? Mais. Oui, débit. Je te racontais un peu ton histoire, là. Croque pas dans le monsieur, croque pas dans madame. Sois tranquille, va au pied, lèche la gamelle et va faire ton chemin. Credit. Avant ça, tu t'en, hein, ton surnom, c'était Credit Carpet. Tu glissais sur la neige, dans la boue. Woodstock, c'est toi qui as inventé ça. En fait, c'est toi qui as sifflé. Hey, glissez-vous dans la merde! Après ça, t'as incité le Québec. Hey, enlisez-vous dans la merde! Là, ça, après ça, ça a été planétaire. Hey, enlisez-vous dans la merde! Là, c'est quoi la merde, là? Est-ce que c'est de l'argent qu'on doit dans notre pays, là? Écoutez, moi, je vais contribuer. Non, c'est pas en achetant des loteries que je vais contribuer. Non, je vais regarder mes cents. Hey, si tous les Québécois. Recherchez vos scènes noires. Mettez ça dans un bol. Envoyez ça au gouvernement provincial. Dites, on vous aide. Mais maintenant, aidez-nous. On aime bien ça, nous autres, contribuer. Ben, ça, bon, c'est vrai qu'ils sont généreux dans les hôpitaux. Pis partout. Oh, c'est vrai. Moi, je vais manger du caviar. À l'hôpital. Séché, du caviar séché, tu rajoutes de l'eau. Ah, mais c'est bon, c'est, on dirait du caviar. Ça goûte le caviar, ça ressemble au caviar, mais c'est pas du caviar. Puis ensuite, à l'extérieur, j'ai pris un dérivé de ce genre de goûter. Toujours à la saveur de caviar. J'ai rajouté de l'eau. Avec les pâtes. Ça ressemblait à du caviar, ça goûtait du caviar, mais c'était pas du caviar. Et au loin, j'ai vu arriver le corbillard. J'ai dit, c'est arrangé, ça là. Hey, monsieur, hein? C'est arrangé avec le gars des Bévues. Ils vont me ramasser, ils s'imaginent. Fait que là, j'ai fait semblant de manger, mais comme j'ai des anticorps plus forts que mon corps, hey, quand ton. Attention, arrête l'écho, là. Quand tes anticorps sont plus forts que ton corps, c'est fort en simonac, ça là, c'est pas doudou, c'est. Ah, c'est Hulk! Là, je me suis dit, tout est une question de ciboulot. Si tu veux pas, tu l'auras pas. Fait que j'ai mangé devant tout le monde. Hein, mon caviar. Et le caviar arrive, stationne à côté, attends que je tombe par terre. Mais je suis pas tombé. J'ai même pas titubé. J'ai resté dans le fixe. Comme je suis toujours dans le fixe, ça n'a pas changé. J'ai resté dans le fixe. Puis là, j'avais l'air à méditer. À un moment donné, j'ai dit, faut que j'émane un son, sinon il va s'imaginer que je suis mort. J'ai fait... Puis là, j'ai entendu, là... Hey, synchronisation, tentation, élection. J'ai dit élection. OK. Oh, Nakane. Oh. C'est quoi? Combien de coups, là? 3 coups, OK. OK. Oh, Nakane. Ou Nakane. C'est merveilleux, c'est le grand succès. C'est l'endormitoire absolu. On vous applaudit, Arrêtez ça ici, merci. Madame, vous voulez rajouter quelque chose, s'il vous plaît? Chop, chop, point. Chop, chop. Ça va bien, monsieur Thibodeau? Vous êtes sorti? On vous a laissé sortir, mon Dieu Seigneur. Hey, ils sont généreux, hein? Ça prend pas grand-chose, quoi, vous avez... Oh oui! Votre œil est plus que vitreux. Votre langue plus que rosée. Et votre teint plus que blafard. C'est à vous maintenant, le corbillard. Hein, le lien, c'est fort, les liens, c'est fort. Alors, Déby Croquette, ça fera pas un grand succès. J'ai pas de succès dans mes affaires, j'ai pas de succès dans mes amours. Je voyage toujours en seconde classe. Ça coûte moins cher, puis c'est même chose, on sera en même place. Hein? Alors donc, Madame Thibodeau, M. Tremblay, tout va bien, les enfants vont bien, bon. Oh oui, hey! On garde ça pour le 400e. Oh oui, non, je regarde... dans le rétro de mon véhicule pour mieux voir les années 50. Ça, c'est quand même intéressant. Tu roules. Il fait beau, il fait chaud. Tu descends les vitres. Tu regardes dans le miroir. Et en arrière, James Dean, Elvis Presley, Marilyn Monroe. Puis qui? Ah, Johnny Hallyday! Ah, là, tu dérapes la voiture, puis gauche-droite, t'essaies de trouver les freins, tu freines, t'arrives sur une flaque d'eau, tu tombes, t'arrives dans les années 60, c'est quoi? Oh, mon Dieu, Seigneur, c'est encore Elvis Presley, jeans, oh, mon Dieu, c'est... Là, t'arrives en 2015. Oh! Oh, mon Dieu, Monsieur Couillard! C'est de plus en plus lent, là, hein? Parti québécois. Oh, man. C'est qui ça? Oh, attendez, c'est... Oh, oui, vous avez vieilli, ma sœur, hein? Oh, je vous vois là-bas dans le noir. Attendez, laissez-moi vous le garder. Mais vous pleurez. Vous pleurez. Allez-y, vous allez uriner un peu moins. Ah, mon Seigneur, c'est quand même beau, hein? Il y a des beaux messages qui se véhiculent ce soir, là. Monsieur le Président, oui, messieurs les patrons catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés, s'il vous plaît, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance rénaldienne. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une blague, la semaine prochaine, c'est la 400e émission. 400 ans s'en vont baignant. 400 ans s'en vont flottant. Alors, mieux vaut baigner ou flotter? Les deux seraient peut-être adéquats pour ne pas se noyer. Comme me disait ma poupée gonflable, et surtout Raymond, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou. Je bois de l'eau au lit. Je bois au lit de l'eau. De l'eau au lit de l'eau dans mon lit d'eau. À 3h du matin, je me suis éveillé. Oh, et votre je me rends dans ma salle de bain. Je regarde au plafond. Oh, je sens le sol tomber. Hey, c'est bon, tu regardes au plafond, tu vois le sol tomber. Hey, c'est Rance Rénaldienne. Oh, quel malheur! Je ne sais pas nager. Je bois de l'eau au lit. Je bois au lit de l'eau. Au lit, au lit, au lit. Arrête de branler le micro, sincère. Au lit de l'eau. Oh, hey, on sent que ça, là... ça m'a été donné par un musicien. On sent qu'il y a beaucoup de garnottes dedans. Et l'autre, très peu. Mais j'aime mieux celui qui n'a pas de garnottes. Hein? Le bois de l'eau au lit. OK, arrête, arrête. On était bien partis. Là. Le succès était... Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Ou aux fantômes, on ne sait pas. Peut-être que c'est les mêmes. C'est la même gang. Même gang. Extraterrestres, fantômes. Ils sont en biochimie. Hein? Merci, madame. Ils sont en osmose. Heureusement, j'ai un public attentif, là. J'ai 14 invités ce soir. On pourrait vous mettre le micro, mais on ne veut pas vous entendre. Vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas intéressant, vous êtes toujours pour... On n'a même pas entendu rire. On vous a pas entendu... Montez votre... Voyons donc, votre appareil, montez votre appareil auditif à 8 sur 10 au moins, là. Oh, mon Dieu, on avait enlevé les piles. Oh, ça sommeillait. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde errance rénaldienne... L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, Rénald. On n'ose pas dire le nom. On va garder le prénom. Aujourd'hui, le vendredi 22 mai 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Gabriel Lazur. Gabriel Lazur, né le 28 avril. Ah, il y a presque un mois! 28 avril, à Philadelphie. Pennsylvanie, aux États-Unis, est une actrice québécoise. Elle est la fille, je ne sais pas pourquoi ils disent québécoise, aux États-Unis, mais en tout cas. Elle est la fille de Denis Lazur, bien sûr, psychiatre et homme politique québécois, un grand homme. Elle a passé une grande partie de sa jeunesse à Montréal, au Québec. Bilingue, elle vient passer des vacances en France en 1980. Elle décide d'y rester et de tenter sa chance dans le cinéma. Depuis 80, elle tourne dans 33 films pour le cinéma et 21 films aux séries télévisées. Elle essaie également la chanson et le théâtre. En juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette très, très belle demoiselle. Là, je ne peux pas vous dire la preuve de sa beauté, mais sa voix vous en dira l'effervescence, l'intérêt surtout. C'est surtout quoi? Et surtout, le rêve de l'imaginer. Oh, c'est bien dit, ça, toujours. J'ai toujours des belles choses, hein, quelquefois, quand je suis inspiré. Musique. Sex and drugs and rock and roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and

fait de l'ambiance. OK. J'ai rien contre l'ambiance. D'accord. Et c'est ça, ben, à force de venir, je viens ici quand même à chaque année depuis 8 ans. Oui. Donc, le bouche à oreille, les artistes que je côtoie, que je rencontre, des musiciens, des comédiens, des restaurateurs aussi. Ah, d'accord. J'ai rencontré toutes sortes de gens dans des différentes sphères de la vie, ce qui nous rend la vie plus agréable. C'est bien. Mais en plus, tu es québécoise à l'origine. Ben, oui, je suis moitié québécoise, en fait, moitié américaine. Oui, parce que tu es née... Je suis née à Philadelphie, parce que ma mère était américaine et mon père québécois, tu connais peut-être. Là, ben oui, le politicien. Mais le médecin aussi. Exactement. Ah oui, il a vécu à Québec un petit peu aussi à un moment donné quand il était justement ministre ou tout ça. Donc il était souvent à Québec. Mais je connais un tout petit peu, je sais pas, j'ai fait un road trip justement au Québec il y a 2 ans là, avec mon ami parce qu'il connaissait pas. Alors on a fait la Gaspésie, tout ça. Okay. Et puis c'était comment pour toi de revenir Ben, c'était bien, mais j'y vais de toute façon régulièrement, mais j'avais pas fait tout le parcours là. Je veux bien, vous avez des oranges pressées? Oui, je vais prendre ça. Sans glaçons, s'il vous plaît. Et non, c'était bien. Moi, je vais retourner cet été, mais pas... Le road trip, c'est un peu fatigant. Voilà. Okay, C'est pas des vacances de vieux, mais bon. C'est beau. C'est vrai que la Gaspésie, c'est super beau avec juste cette route, ce chemin unique là. Et on a des amis de la famille, justement, qui étaient un gars qui était médecin en même temps que mon père à l'époque quand il était à l'hôpital Sainte-Justine. Et, donc, je suis amie avec cette famille-là depuis l'enfance et ils ont une maison super belle aux Éboulements, au-dessus. Donc, c'est un peu entre Québec et là, c'était sur notre chemin. Donc, on est passé par là aussi. C'est sublime. C'est très, très beau. Et j'adore tout ce qui est paysage avec les falaises comme ça. Et l'île d'Orléans aussi, hein, c'est ouais, un coin. Oui, l'île d'Orléans, n'est pas allé, mais on a été quand même à Tadoussac. On a vu les baleines et tout ça. Là. On a dormi un peu dans un parc national aussi, là, qui est un peu entre les deux, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais... OK. Mais toi, au début, tu es née aux États-Unis, puis après, rapidement, tu as grandi à Montréal. Oui, parce qu'en fait, mon père faisait des études à Philadelphie, c'est comme ça il a rencontré ma mère. Et puis voilà, j'ai grandi à Montréal, mais j'ai toujours de la famille aux États-Unis. Et quand je fais le voyage, en général, je vais aux deux. Là, j'ai par exemple ma sœur et ma tante, une cousine et tout ça qui sont à New York. Et donc, je vais m'en aller d'abord un peu à New York pour les voir eux, puis après ça, remonter à Montréal, voir mes autres frères. Et c'est maintenant, ici, dans les années 80, que tu as voulu commencer une nouvelle carrière française plutôt que québécoise. Donc, en fait, j'étais pas quand j'étais à Montréal, j'étais étudiante en psycho. Moi, j'étais pas comédienne encore. Okay. Donc, je suis venue ici un peu en vacances d'été. Et puis, sachant que ma mère allait déménager, tout ça, je me suis dit, peut-être que j'avais envie de éventuellement passer un peu de temps en Europe. Quoi. J'avais demandé, pour faire un semestre de break à l'Université de Montréal, mais je suis jamais revenue. Quoi. Mm-hmm. Après, j'ai travaillé comme mannequin. Enfin, c'était il y a longtemps, c'était même avant les années 80, c'était en 78. Okay. La première fois que je suis venue, ça fait 35 ans déjà. Et donc, puis j'ai travaillé un peu comme mannequin. Après, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, puis j'en ai pris d'autres aussi à New York, chez ma tante un peu, puis je suis revenue ici et voilà, j'ai commencé à travailler comme comédienne. Mais as-tu perdu l'accent québécois? J'ai jamais beaucoup eu d'accent québécois. Okay. Dixit déjà mes cousines et tout, parce que comme j'étais bilingue, on faisait 2 années en école en français, 2 années en anglais, enfin à chaque fois je changeais d'école. Okay. Et à Montréal c'est quand même relativement facile ça. Ouais. Donc, et puis en fait, comme mes parents avaient divorcé quand j'avais 7 ans, on vivait avec ma mère et... J'ai toujours parlé français avec mon père et anglais avec ma mère, mais avec mon frère et ma soeur, on se parle en anglais plutôt. Okay. Donc, la limite, ma langue maternelle, c'est plus l'anglais. Mais je peux prendre un petit peu. Là, c'est j'ai un copain là, qui voulait faire une série, genre de Desperate Housewives, là, mais en France. Mais il n'a pas réussi à monter, mais on a fait comme un pilote. Okay. Il voulait que je prenne l'accent québécois. Mais Je me suis entraînée pas mal là, aussi, mais... J'ai toujours peur que ça fasse... Pour jouer une Québécoise à Paris, c'est ça. Ah, ouais. Ça aurait été... Ça n'a pas fonctionné? Ben non, ils n'ont pas réussi à vendre la série, mais ça aurait été bien. Ben oui. J'ai tourné au Québec il n'y a pas très longtemps, en 2008, ça commence à dater un peu quand même. l'année de la mort de mon père. Justement, j'avais tourné dans une, un film cinéma, mais qui était adapté d'une série qui s'appelle Grand Ours. Oui. Avec Marc Messier, puis Fanny. Qui a très bien fonctionné. Hein. Oui. Comment elle s'appelle déjà, la petite Fanny? Je me souviens de famille, c'est une super comédienne aussi. Et voilà, donc j'avais fait comme un guest pour le truc cinéma. Oui, il y avait Normand aussi, un autre gars, Normand, comment il s'appelle? Normand d'Amour. Oui, je crois que c'est ça. Normand d'Anneau, c'est ça? D'Amour. Normand d'Amour. Je sais pas si c'est ça. Il a travaillé beaucoup avec Robert Lepage et tout ça comme acteur. C'est ça. De théâtre déjà beaucoup. Il est super bon aussi. Donc ça, c'était une très bonne expérience. J'ai adoré. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé au Québec et j'ai trouvé que les relations entre les gens dans l'équipe et tout ça, c'était vraiment super par rapport à Paris. On travaille des horaires plus longs chez nous au Québec par rapport aux Français, mais c'est quand même plus sympathique comme mentalité. C'est moins borné, moins... plus ouvert aux comédiens, au feeling aussi que le comédien peut apporter, peut-être même des idées nouvelles. Exactement, c'est ça. Ben ici, c'est souvent où les réalisateurs sont auteurs-réalisateurs, c'est ce qu'on appelle vraiment le cinéma d'auteur. Alors, on dit, ils se prennent la tête un peu, ils se regardent un peu le nombril et puis ils sont, et ça, c'était ils sont dans leur film. Ouais. Et puis, ils sont moins communicatifs, quoi. Disons, ils sont dans leur bulle un peu. C'est leur univers. C'est leur univers, puis ouais, on n'a pas grand-chose à dire. Il faut juste essayer de se fondre dedans, essayer de restituer ce qu'ils ont envie d'avoir le mieux possible. Mais bon, après, moi, je fais toujours ma petite cuisine interne et puis j'interprète quand même. Donc, c'est quand même moi qui vais être à l'écran. Je me démerde pour injecter dedans ce que j'essaie en tout cas de travailler dans la manière qui me convient, quoi. Mais ton travail en psychologie étudiante, ça a quand même beaucoup de place en tant que comédienne. Oui, exactement, c'est pas des choses perdues, quoi. Non, on perd jamais ça rien. Sert. Hein. Ouais, de c'est toute la façon. Culture générale. Exactement, tout ce qu'on apprend, c'est j'ai une fille qui vient d'avoir 14 ans, évidemment, qui voudrait être comédienne, mais comme elle voit comment c'est difficile aussi le métier. Elle dit peut-être que je vais être avocate, gagner beaucoup d'argent, après je serai movie star, après je sais pas, elle a toute sa liste de choses qu'elle veut faire. Mais c'est toujours mieux de pouvoir faire un autre métier aussi, mais bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des écoles comme l'école Florent qui font des comédiens en série, Il y a tellement de gens qui sortent. Mais qui ne travaillent pas aussi. Exactement, c'est ce qu'il faut oublier. Ben, c'est-à-dire qu'aussi maintenant, toute la donne a changé et puis c'est devenu plus facile de faire des films, même si c'est difficile. En France, ça reste heureusement un pays où il y a, grâce à l'avance sur recette et tout ça, on peut encore faire une bonne quantité de films, quoi. Sauf que c'est souvent toujours un peu les mêmes qui sont financés. Malheureusement, ça reste toujours dans ce côté cinéma d'auteur, que j'adore, moi. Il y a des choses qui sont formidables. Hein. Dans les années 80, tu as joué dans beaucoup de films d'auteur, La Balance. Non, je n'ai pas joué dans La Balance. J'ai joué dans un autre film de Philippe Labrou qui s'appelle La Crime. Mais ça, c'était pas trop cinéma d'auteur, c'était plus un film de genre, quoi. C'était un polar. Mais dans les années 80. Le film d'auteur où j'ai commencé, c'était avec Rob Grier, La Belle Captive. Ça, c'était mon premier long métrage. Et ça, c'est vraiment pour moi du cinéma d'auteur. Après, c'est vrai que j'en ai fait d'autres aussi. Puis des choses plus commerciales aussi, entre guillemets, comme celui de Labrou, c'était plus mais quand même, dans cette veine-là, mais ça a bien marché en tout cas, ça passe régulièrement à la télé. Mais même chez nous, hein, à Télé-Québec, sans publicité, c'est ça qui est bien, quand tu regardes un film sans pub, c'est gagnant, parce que la publicité tue le film. Mais hein. TV5 Monde, il passe pas mal de films français. Ah oui, mais c'est des films français aussi. Oui, c'est vrai, mais des films récents, assez récents. C'est ça. Oui, c'est vrai. On peut le cinéma du dimanche, là. Oui. Puis c'est vrai qu'on peut voir des trucs qui n'ont jamais sorti au Québec. Puis qui feraient leur chemin à travers la télévision, même si le cinéma ne doit pas se voir à la télévision, mais sur le grand écran. On ne fait pas des films pour les placer en DVD. Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est ça qui est terrible. C'est un peu avant, c'était straight to video. Maintenant, il y a des trucs straight to DVD. Ou alors maintenant, ils font aussi comme les gens, ils téléchargent sur Internet et tout ça directement. C'est comme la musique. Hein, il y a tellement de piratage que les gens, ils vont plus tellement au cinéma. Les gens, ils les regardent en streaming, là, les films. Ils regardent des séries entières. Les Français, ils sont très chauds sur les séries américaines, tout ça. C'est vrai que les nouvelles séries américaines, c'est vraiment intéressant. Il y a des choses pas mal du tout. Mais en France, on est encore un peu en retard au niveau du niveau, je pense, de qualitatif des séries. Ça commence un petit peu et ça évolue. Une série qui fonctionne depuis longtemps, c'est quoi? Vivement la vie, c'est ça? Ah non, le truc là. C'est une saison là. Comment la vie? Non, plus belle la vie. Plus belle la vie. Mais ça, c'est pas les choses vraiment qualitatives. Non, c'est non, des mais choses, non, mais c'est très, très d'ailleurs, il y a un Québécois qui joue là-dedans, oui, la Serge Dupire, oui, qui est un copain. See what you gotta do. Comme ça, ouais. On ne prend plus jamais pour le cinéma. Ils sont très, ils cloisonnent les gens, ils mettent dans des petites cases. Et il a joué aux États-Unis aussi, donc il a fait plein de choses. Il a fait plein de choses aussi, Québec. Ouais. Mais votre radio, en fait, elle est, c'est organisée. C'est qui s'occupe de ça, en fait? C'est une radio associative. C'est une radio libre. Okay. C'est la première radio libre francophone au monde. Ah oui. Donc à l'époque. Dans les années 80, les Carbone 14, ils se sont inspirés la radio de CKRL à Québec. Parce que si, c'est en 81 que Mitterrand il avait libéré tout ça, et il y a plein de radios qui ont été libérés bien avant. Donc, c'est normal, mais les Québécois sont plus libérés que les Français de toute exactement. Façon. Exactement, mais ils se sont donc présentés au Québec pour voir comment on faisait notre radio, pour ensuite la transporter en France, en Suisse, en Belgique. Et même, il y a des employés de CKRL qui se sont pointés ici pour diriger un peu... Coacher un peu. C'est ça, exactement. Ah, c'est bien. Et donc, CKRL, c'est la première radio communautaire. Elle a 42 ans actuellement. Ah, ouais. Et vous y êtes depuis longtemps? Moi, j'ai fait une émission il y a 22 ans. J'ai arrêté pendant 12 ans. Et par la suite, j'ai fait ma propre émission qui fonctionne encore actuellement le vendredi. Et c'est une mission sur l'absurde, donc... C'est ça, j'ai vu, c'est assez délirant. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, le côté le plus sérieux, c'est ici, à Paris. Ouais, le reste, c'est ce qui se passe en studio. Ce qui se passe en studio, ça, c'est tout à fait différent. Parce que vous allez broder autour après, mettre des musiques ou des trucs... Exactement. Je fais deux numéros d'improvisation. Souvent absurde et greffé à ça. Mais ils ont à voir avec l'interview. Non, même pas. On va pas partir en live. Non, mais on peut quand même mélanger les gens. Hein, cette radio-là offre cette opportunité-là de. C'est bien, c'est assez ouvert alors. Oui, de s'ouvrir sur la musique, de s'ouvrir sur une autre forme de radio, arrêter la publicité à outrance, puis de nous carabiner les mêmes chansons aux 2 heures. Il y a une radio Internet qui est intéressante en France aussi, j'ai découvert, vous devriez écouter, mais c'est pas sur les ondes, c'est sûr, il faut la choper sur Internet. Oui, peut-être que je la connais. Et ça s'appelle Radio Meuh. M-E-U-H, comme une vache. Ouais. Parce que c'est des jeunes, en fait, dans le Reblochon, dans la montagne, qui font ça. Et leur truc, c'est pas de tube, pas de pub. Il n'y a jamais de pub, il n'y a jamais de gros morceaux qu'on entend partout. Et ils mettent vraiment des choses intéressantes. Parfois, c'est des morceaux qu'on connaît, mais des versions nouvelles. C'est super. Souvent, je fais les soirées, je mets ça. Bon, des fois, il y a des problèmes. Des fois, ça capte pas parfaitement. Là, mais il y a une radio rigolote aussi sur Internet, Radio Bid. Ah oui? Oui, tu connais pas, hein? Non. C'est les chansons quétaines, entre guillemets. Oui. Des années 70-80. Doit être marrant. Oui, aussi, ben c'est super drôle. Oui, quand tu veux t'amuser. Et là, c'est français, ça aussi? Oh oui, ça vient de France. Oui. Donc, c'est nous qui avons fait la promotion de la radio libre partout, associative. Et moi, je viens ici rencontrer des artistes et à travers ça, les Québécois en connaissent davantage sur les musiciens, sur des acteurs, des actrices. Oui. Et toi, dans les années 80, en 78, tu as décidé de venir ici. Oui, au départ, c'était un peu pour des vacances prolongées. Puis finalement, j'ai décidé de rester avec des petits breaks. À un moment donné, je suis allée à New York justement prendre des cours de théâtre là-bas. puis après, je suis revenue en France. Et mais ton père, à cette époque-là, était quand même assez engagé au niveau oui, de la c'est politique. Ça. C'est quand il venait de se faire élire au premier gouvernement. Là, c'était en 76, je crois. D'ailleurs, j'ai un petit frère qui est né cette année-là. OK. En 76? J'ai vu juste 76. 76, oui. Je l'ai vu juste une fois par an. Quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, un des prénoms de mon frère s'appelle Eric, et un de ses prénoms, c'est René. Ah, c'est bon. À cause de René Lévesque? Oui, oui, René, Fidèle, Mao, tout ça, le pauvre, il les a les droits à la totale, quoi, de gauche à fond. Puis toi, as-tu détendu un peu de ce côté-là? T'es une fille de gauche, une fille... Oui, moi, j'ai gardé je vais toujours voter. Tout. Enfin, je suis devenue française aussi, par la force des choses. Ouais. Forcément, je suis là depuis tellement longtemps, donc au bout d'un moment, quand j'ai... Alors, t'es canadienne, états-unienne et française. Oui, oui, faut pas trop le dire, trois mais... Okay, je suis pas sûre d'avoir le droit d'avoir trois passeports. Ben oui, ben oui, pourquoi pas? Je sais pas. Individuellement, j'ai le droit, ça, c'est sûr, mais je suis pas sûre qu'on ait le droit, en principe, d'en avoir trois. Mais je les sors pas tous les trois. Et en le même maximum, temps. C'est quoi, c'est deux? Je pense, oui. Ah, ok. Ça, mais j'ai pas dit que j'étais canadienne quand j'ai demandé la nationalité française. Après, c'est trop compliqué, quoi. Ils s'y perdent. Puis les Américains sont plus stricts, alors ils sont terribles. Ils sont patriotiques, tellement... Ouais. Je me suis fait engueuler parce que j'étais avec ma fille. Elle n'est pas américaine. Elle est canadienne, mais elle n'est pas américaine. Elle est née en France, elle est donc française. Son père est français. Et je faisais la queue... j'attendais pour les passeports, mais avec les noms américains, puisque ma fille n'était pas américaine, je me suis dit bon. Et je me suis fait mettre de côté comme ça quand elle était bébé, j'étais avec tous les immigrés, tout ça, j'ai attendu je sais pas combien de temps, tout ça pour me faire gueuler dessus, pour me dire mais you're American. Réveille-toi, ma bonne femme, t'es américaine, ça c'est sacré. C'est et tu te mets avec les Américains, et puis voilà, c'est tout, sinon tu vas être sévèrement puni. Ils sont. Enfin, les Canadiens sont assez chauds aussi parce que. Tu renouvelles ton passeport tous les 5 ans, puis à chaque fois... Ah, mais là, c'est rendu 10 ans, hein? Ah oui, OK, puis, mais il faut un répondant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit ou avocat, ou médecin, ou notaire, ou machin, qui signe, qui dise qu'ils te connaissent depuis tant d'années. Alors que tu es canadien depuis la naissance, c'est bizarre. Mais ça, c'est le premier passeport. Après ça, le renouvellement, tu n'es plus obligé de faire ça. Si, à chaque fois. Ah, mais pas. Ben moi, je l'ai fait cette année. Ah, puis... peut-être que ça a changé. Oui, ça a changé. Moi, à chaque fois que j'ai renouvelé, toutes les fois, j'ai été obligé d'avoir ce répondant-là. Ah, ben pas moi cette année, puis je l'ai pris pour 10 ans. Ah, ben c'est bien, ça a évolué, alors peut-être, c'est cool. Ans, bon, ben, c'est devenu plus zen. Exactement. Tranquille. Et aujourd'hui... Donc moi, je vote en France et je suis plutôt de gauche, même si je reconnais qu'on n'est pas très motivé pour voter depuis quelques années, parce que c'est pas, les politiciens ne donnent pas forcément super envie, quoi. Mais déjà, je vais voter pour aussi faire un blocage au Front National, pour tenter de le faire, en tout cas. Mais c'est difficile, quoi. C'est une situation assez terrible. Entre les pervers, les DSK qui sont pour lesquels j'allais voter, hein, avant que tout ce scandale sorte. Mais tu vois, tu te dis, il n'y a personne qui donne envie, quoi, c'est terrible. Hein. Et toi, quand tu as vu ton père s'engager, aujourd'hui, as-tu le goût de te présenter? Ah non, ça c'est non, pas... Il y a longtemps, on m'avait contacté pour un truc, j'ai des amis qui s'occupaient un peu d'un des partis écologiques à l'époque. Et c'est vrai que France, ça m'a... En France c'est vrai que ça aurait pu m'intéresser aussi, en principe, mais ils ne sont pas super bien organisés, eux, déjà. Et puis, en fait, ils cherchent des gens qui ont un petit nom, qui sont un peu connus, parce que ça les aide aussi à avoir l'électorat. Mais oui, j'ai une copine, Firmin Richard, là, une copine antillaise, qui est engagée avec les socialistes là, dans son arrondissement. Mais je ne sais pas si je me sens capable ou... tout ce qui est organisation, tout ça, je suis pas super forte, quoi. Je suis un peu loose, un peu, je sais pas, c'est vrai que puis je trouve qu'il faut pas tout mélanger, quoi. Il y a beaucoup d'acteurs et de personnes publiques qui utilisent leur notoriété pour faire passer des messages, et je respecte et tout, mais en même temps, je pense qu'il faut pas tout mélanger, quoi. Okay. Et après, même de la part des politiques, s'ils vont chercher des acteurs, après, c'est pas forcément super net comme truc. C'est et surtout pour l'image. Puis ça, les chanteurs, les acteurs, quand ils... Voilà, c'est l'image. Et... on sait que certains... En général, la plupart des artistes sont de gauche, mais pas tous. Voilà. Comme Johnny, il est de droite. Certains qui se mettent avec les gens de droite. Mais moi, je préfère pas m'afficher. Une fois, je l'ai fait. Okay. Je suis allée à un meeting... pour la deuxième campagne de Mitterrand, j'étais là-bas. D'ailleurs, on voit ça sur Internet, je crois que je m'étais mis... j'avais même lu, je crois qu'il y avait Sting qui devait venir ou quoi, et puis il n'a pas pu venir, il avait laissé un petit mot en anglais, j'avais lu... Mais c'est les trucs qu'ils nous mettent dans un bus, on part en dehors de Paris, tout ça, c'était comme un grand meeting politique, là, je ne connaissais pas, c'est amusant, c'est intéressant. Enfin, à l'époque, les gens étaient quand même peut-être plus politisés, là, maintenant, c'est vrai que c'est un peu décourageant. C'est dilué un peu. Un peu dilué, ouais. Mais dans les années, fin des années 80, tu as même fait un album. Oui, 90, ouais. Oui. Out of the Blue. Oui. Et des concerts, j'ai fait 25 dates là en France, en Belgique, en Suisse et tout. Mais t'as pas eu le goût de réitérer? Ben, c'est tellement difficile, même pour les vrais chanteurs, entre guillemets, c'est super dur. Donc non, puis il faudrait maintenant que j'ai un enfant, donc c'est-à-dire que je veux bien travailler gratuitement. Je fais quand je tourne dans des courts-métrages pour des gens que, dont j'aime bien l'univers et okay. tout, mais d'aller me sacrifier mon temps non, précieux, où je suis avec ma fille, bon. Ça rapporte pas des masses quoi. Faudrait arriver. Non. Le gars qui m'avait sorti mon album, il m'a dit oui, si tu voulais faire des concerts, tout ça, encore aujourd'hui, ça pourrait marcher et tout. Il y en a qui le font, hein, mais. Non. Non, ce que je fais de temps en temps, c'est que je traduis des chansons pour des gens. Je fais des versions, le plus souvent, c'est vers l'anglais, du français à l'anglais. Comme je sais écrire la musique et tout ça, c'est le côté un peu rythmique et tout. J'arrive à trouver des adaptations pas mal. Donc j'ai mon ami éditeur qui m'appelle de temps en temps pour faire une petite. Traduction, donc ça c'est toujours intéressant, ça me garde un pied dans le, un peu dans le monde de la musique et tout. Mm-hmm. Puis j'y suis toujours sensible, quoi, j'aime bien, mais non, c'est pas. Mais c'est difficile encore aujourd'hui la chanson. C'est trop dur, oui, même pour les vrais les gens qui sont. C'est ça, puis les disques ne se vendent plus, donc j'ai des amis qui essayent de faire des albums, tout ça, mais ils vont finir, je crois, par les faire un peu autoproduits, les vendre sur le net, ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est tellement facile de télécharger un morceau sur YouTube ou n'importe quoi. Pour faire des concerts, ben c'est ça, le seul truc. C'est la seule chose. Quand t'as pas d'enfant, ça va, quoi. Mais quand t'as aller faire une tournée ou des concerts, être dehors tous les soirs, quand t'as envie d'être avec ton enfant, c'est un peu dur. Tu les amènes avec toi. Ou si, ça peut être une bonne expérience, mais il faut que ça tombe pendant les vacances. Et comme elle aime bien aller en camp. Of destination. Now he's running for the lover's speed. When the child goes bad, it's no cause for celebration. Like Timmy Dean, he don't talk back to me. Failures as fathers, mothers to chaos. Entièrement au cinéma, puis même tu as été réalisatrice. Un petit peu, oui, j'ai fait un court métrage, enfin un ou deux, mais j'ai joué au théâtre aussi un peu. en 2011 la dernière fois. Puis là, en ce moment, actuellement, j'ai un projet de théâtre. Okay. Aussi une pièce qui s'appelle Une fenêtre sur. C'est un jeune auteur qui s'appelle Steve Catio, que j'aime beaucoup. Et on n'a pas encore le théâtre, on n'a pas encore les dates et tout, mais on a fait un peu des lectures. Pour essayer. Oui, oui, il y a déjà une pièce qui a été publiée et tout ça. Et maintenant, il faut juste trouver les partenaires financiers, tout okay. comme d'habitude. Le théâtre, c'est difficile aussi. Mais là, je suis assez motivée parce que c'est une jolie pièce et c'est un très joli rôle dedans. C'est une belle rencontre. Là, le gars, il a écrit aussi un court-métrage pour moi que je vais, dans lequel je vais tourner aussi. Mais, pour ce qui est de la pièce, combien de personnages? En fait, on est quatre. Okay. Donc, c'est plus facile peut-être de monter, par exemple, dans un petit théâtre, un one-man show, comme il y en a beaucoup ouais. maintenant aussi. Il n'y a qu'une seule personne à payer déjà sur scène. Ouais. Déjà, quatre, ça commence à chiffrer un peu plus, mais... Il faut aussi que ça coïncide. C'est des conditions pas faciles, ouais, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, quand j'ai fait Frères du Bled en 2011, là, c'était presque l'impression qu'il faut que tu payes pour travailler, quoi. C'est difficile quand tu n'es pas dans des gros théâtres, trucs... Ouais. C'est vraiment pas facile. Donc, c'est pas simple. Mais c'est super. Moi, j'adore faire le théâtre. Je trouve que c'est comme... moi, je vois ça plus un peu comme prendre des cours gratuits, quoi. C'est continued education, quoi. C'est le truc où tu avances tout le temps et tous les soirs, tu te remets en cause et tu es devant le public. Et c'est bien quand tu peux défendre un auteur qui te plaît, en plus. Et... c'est en plus évident dans le spectacle vivant, oui, tu peux ça. Te tromper. Si tu vas le voir trois fois, c'est pas la même chose. C'est, c'est une autre façon de voir l'art dramatique. Tu joues pas de la même façon aussi qu'au cinéma parce que les plans sont plus loin. Ouais. Hein, les gens sont c'est éloignés, ça, c'est pas la même technique vraiment. Ouais, puis tu es obligé de tout apprendre aussi d'un seul coup. Parce que le cinéma, moi j'aime bien le garder le côté un peu fébrile aussi, un peu fragile parce que je trouve que c'est plus vivant, c'est moins mécanique et donc souvent j'aime pas trop apprendre mon texte ou j'aime bien que ça reste un petit peu flottant comme ça. Okay. Pas improvisé, mais disons que j'ai besoin de comprendre le sens et tout ça et ça dépend évidemment quand tu joues, quand c'est une comédie. Pareil, c'est drôle, tu es obligé d'avoir vraiment le rythme, il faut que ça soit punchy et tout. Le timing, tu peux pas avoir trop d'hésitation et tout, mais quand tu es dans le drame, je trouve que c'est pas mal de laisser un peu d'ouverture, quoi. C'est vrai. Moi, j'aime préférer travailler comme ça parce que ça me donne aussi moi-même une sensation de me mettre en danger et d'être un peu comme sur un fil. Et j'aime cette sensation d'être un peu au-dessus du vide et de ne pas savoir ce qui va se passer. Et même si ce n'est pas vraiment de l'improvisation, parce que je vais rester fidèle au texte, mais ça va être une part quand même d'imprévu. Enfin, il y a toujours une part d'imprévu de toute façon. C'est le public aussi hein, qui peut changer du jour au lendemain. Ah ben ça, au théâtre, oui, c'est à chaque fois différent, aussi à cause des réactions du public. Le public du vendredi, ce n'est pas le public du mardi. Exactement. Donc, c'est... Oui, les têtes blanches le dimanche, comme on les appelle aussi. C'est tout, à 15 heures. Oui, c'est ça, l'après-midi. Heure à laquelle, maintenant que j'ai un enfant, j'aime bien aller au théâtre. Oui, c'est vrai. Je suis en passe de devenir une tête blanche, d'ailleurs. Hein, ça va pas me... ça va. On passe tout par là. Hein. Exactement, c'est la vie qui avance, hein, c'est normal. Mais crois-tu qu'avec le temps, les rôles diminuent, il y a moins de rôles? Ça, c'est sûr qu'il y a moins de rôles aussi, parce que la plupart des rôles principaux, c'est des personnes d'une vingtaine d'années. Et il y a bien sûr des actrices de plus de 40 ans qui travaillent, mais en France, malheureusement, c'est presque toujours les mêmes. Il y en a genre 7 ou 8, c'est toujours les mêmes. Ouais. Dans tous les films, on voit les mêmes acteurs. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage quand même. Et donc là, le dernier film dans lequel j'ai joué, il va passer là dans un festival où je vais dimanche là au Cap d'Agde, qui est sorti en janvier. Ça s'appelle Passer l'hiver. Oui, j'ai vu ça. J'ai un rôle principal avec Lolita Chama, une jeune actrice. Ouais. On est toutes les deux tête d'affiche et c'est elle en fait, c'est la fille d'Isabelle Huppert. Ok. Et c'est sorti en janvier, mais dans une salle. Enfin, donc après, ça fait pas mal de salles c'est en dur, province hein. et tout. Mais même le cinéma, c'est ça. C'est quand on n'est pas dans un circuit. Le gros circuit commercial, ouais. ça devient... Les cinémathèques, les cinémas de répertoire... Mais c'est bien de défendre aussi des auteurs et tout, mais bon, là, faudrait que je chope quelques jours dans un gros film, ça serait pas mal aussi, mais faudrait que je sois plus pour aussi, le loyer. Il faut que ça soit des jolis rôles aussi après. Ouais, moi j'aimerais bien retravailler au Québec, mais c'est vrai que l'histoire aussi de l'accent, c'est comme dans Grand Ours, c'était un truc un peu science-fiction. Ouais. Et puis mon personnage, c'était une personne qui arrivait... nouvelle arrivée un peu dans l'histoire et on savait pas trop d'où elle venait, donc ça tombait bien qu'il n'y ait pas vraiment d'accent entre guillemets, mais le fait de pas en avoir justement, tu te dis bon, peut-être que les réalisateurs québécois ils pensent pas trop à moi à cause de ça aussi, je sais pas. Mais récemment j'ai vu, j'avais jamais vu Michel Tremblay là au théâtre, et j'ai vu une adaptation qui est pas mal du tout, Christian Bourdelot il s'appelle, je crois qu'il fait ça, de Laura Cadieux. Ah, ils font en France, oui, mais ils vu. Le font. Vous l'avez vu? Pareil. Et c'est un peu bizarre parce que je m'attendais. C'est le texte québécois, mais avec des petits changements quand même, oui, pour que le public comprenne. Stamper, hein, et ça, sans, c'est les mots québécois, mais sans l'accent. Hein. Du beurre de peanut. Si, mais moi j'aurais pu le faire. Oui, mais du beurre de peanut avec l'accent français, ça fait bizarre. Ouais, quoi. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas mal parce que comme ça tout le monde peut comprendre. Et... La pièce est tellement formidable elle et la fille, elle est bien. Ans, hein? Elle roule depuis un moment, oui, cette 3 pièce. Oui, 3 ans, parce que je l'ai vue à chaque année. Ah oui, il y a des endroits... Et oui, c'est un peu petit budget aussi. C'est pas facile, je crois, pour lui, parce que je vois toujours, il met les... Maintenant, il y a beaucoup de gens sur Internet, justement, ils mettent des Kiss Kiss Bang Bang et tout ça, des plein de systèmes différents où on peut cotiser. Ça avait commencé dans la musique, ça, d'ailleurs, je crois, My Own Private Company, ou autre comme ça. Dans n'importe quoi... Tout ce qui est artistique, là, voilà. Pour le cinéma, tu donnes voilà, l'argent. Pour les courts-métrages, souvent, c'est ça. Et puis après ça, ils donnent aux gens en échange ou un DVD du film ou des choses comme ça. C'est ça, exact. Des billets pour aller voir la pièce. Ouais. C'est ça. Mais c'est bien, d'ailleurs, que ça donne plus d'indépendance aussi aux artistes. Quoi. Puis les gens, si gros projet, hein, ils peuvent enfanter, ils peuvent mettre des sous, ils peuvent y croire, puis ça peut faire quelque chose d'intéressant. C'est ça. Puis si ça ne fonctionne pas, de toute façon, si le film ne se fait pas, ils sont remboursés les gens qui cotisent. Parce qu'au début, je crois que ce n'était pas tout le temps comme ça. Et puis après, on se dit, mais on donne de l'argent, on n'est pas sûr à quoi ça sert. Si c'est juste pour s'acheter des vêtements ou... Des fois, ça peut être frauduleux, mais non, je crois que mais c'est... Mais là, si moi j'ai donné à chaque fois, c'est quand je sais que le film, ça va se faire et voilà. Puis même, tu peux promouvoir un peu ta publicité, ta propre publicité. Oui, puis je mets, oui, voilà, c'est quand c'est pour des projets dans lesquels je travaille, bah, okay, évidemment, plus, je leur fais... Je leur fais de la pub sur ma page Facebook et tout ça aussi. Ouais. Oui, mais crois-tu qu'avec les années, le côté le travail de comédienne risque d'être encore plus difficile? Je sais pas, quand on voit par exemple le film Amour, là, de Haneke, avec Jean-Louis Trintignant, et comment elle s'appelle déjà, qui avait joué dans Hiroshima, Mon Amour, là, l'actrice principale qui a 80 ans. Incroyable. Elle n'avait pas tourné depuis 25 ans, je crois. Ouais. Elle a ce rôle sublime, en plus je trouve qu'elle est magnifique dans le film et tout. Elle a eu des prix partout dans le monde, elle voyage partout, elle a sa petite coupe courte et tout ça, la rock and roll. Ouais. Elle est trop drôle. C'est vrai, c'est vrai. C'est génial. Non, c'est sûr qu'il y a moins de rôles, mais il y en a quand même. Cela dit, il y en a moins, mais ceux que je joue m'amusent plus en général. Okay. Parce que comme aussi, je suis plutôt bien conservée, donc souvent, c'est des trucs un petit peu, disons, ambigus ou des trucs... Ou la cougar ou le machin. Je drague le mec de ma fille ou des trucs un peu plus tordus, un peu plus bizarres et... Ou des rôles très durs, plus violents. C'est des choses comme ça, on me donnait moins avant quand j'étais plus jeune. Ingénieux dans les années 80, peu. C'était beaucoup aussi comme dans la crime et tout ça, c'est ce qu'on appelle un peu, on appelait un peu des faire-valoir pour acteurs, de mettre une jolie femme à côté. Ouais. Alors après, il fallait ramer pour que le rôle vraiment existe un peu. Mais c'était pas toujours. Voilà, en Amérique, c'est moins. Il y a des filles qui sont d'une beauté classique et à qui on donne quand même des rôles super intenses. Hein. C'est vrai. Et ici, c'était presque un handicap à un moment, ce genre de physique un peu classique. On était un peu cantonnés dans. Le truc inaccessible, mystérieuse, machin et tout. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire d'autres rôles aussi, quoi. Mais... C'est vrai. Puis en vieillissant, au moins, ça se patine. Et puis après, il y a d'autres ouvertures qui se passent, quoi. Puis avec les années, peut-être que les rôles sont plus consistants. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est plus intense, quoi. C'est plus fort à jouer. Là, dans Passer l'hiver, j'ai un monologue... intensif, quoi. Et tu regrettes beaucoup que ce film-là n'ait pas de visibilité, contrairement à d'autres films, parce que c'est dommage, quoi. J'ai mon petit showreel, là, ma bande-annonce, où je mets un extrait, bien sûr, du film et tout, mais... Il faudrait que les gens puissent avoir accès aussi, là, au cinéma, si... Après, en même temps, il a été présenté dans quelques festivals, mais ceux qui ne l'ont pas pris, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, c'est pas non plus moi qui ai réalisé le film, mais à un moment, je booste comme je peux. Là, par exemple, ils voulaient me voir dans un petit festival. J'ai dit, si vous montrez le film, je viens, quoi. Okay. Ça me fait toujours plaisir, même si ce n'est pas forcément des gens qui vont me donner du travail. S'il y a 600 personnes qui vont être dans la salle, qui vont voir le film, bon, ça me fait toujours plaisir de partager mon travail avec un public, quoi. Puis en plus de te présenter à des futurs cinéastes. Oui, on ne sait jamais, voilà. Puis c'est bien que les gens ils voient des choses récentes, parce qu'on évolue. Il y en a qui restent figés sur des images. D'ailleurs, les personnes qui me donnent des rôles intéressants comme ça, aujourd'hui, ce sont en général des jeunes. Okay. Je travaille beaucoup pour les jeunes, ou dans les courts-métrages, ou dans ces premiers longs et tout, parce qu'ils n'ont pas une image de moi d'avant. Ceux qui sont établis, qui sont là depuis l'époque, quand moi déjà j'étais plus en vue, ils me voient peut-être encore comme j'étais à l'époque, où ils... Voilà, c'est dans leur tête, je suis peut-être has-been ou machin, oui, ça ne les intéresse pas, quoi. Alors que les jeunes, maintenant, ils portent un autre regard et voilà, c'est plus intéressant pour moi. Et as-tu beaucoup de projets éventuellement au cinéma? Ben là, j'ai en tout cas ce projet de théâtre et puis ouais. Après ça au cinéma. Oui, il y a des choses qui sont, mais qui ne sont pas encore décidées, quoi. C'est des choses sur lesquelles je suis. As-tu de te lancer dans l'écriture des romans? Ben, j'avais écrit un scénario, mais je n'ai pas réussi à le monter. J'ai porté ça pendant une dizaine d'années, mais le sujet est assez violent okay. et tout. Donc, c'était trop dur. J'ai laissé tomber, mais ça m'a fait du bien d'écrire aussi, je crois, pour déjà l'énergie créative et tout ça, que ça circule. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est toujours intéressant. Puis, ça fait rencontrer les gens différemment. Après, j'avais rencontré des compositeurs, des chefs-op, des décorateurs, tout ça, pour un peu autour du projet. C'était bien, et puis mais des romans, non, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs qui font ça, mais... La poésie. Ben, ce que j'aime bien, c'est faire les chansons un petit peu aussi, là, quand j'adapte les chansons et tout ça, ça m'amuse bien. Mais ouais, non, j'ai fait du design un petit peu, mais ça, c'est pareil, c'est pas facile aussi. J'ai une marque qui s'appelle Circle Line. Encore aujourd'hui? Oui, mais j'ai fait que deux objets pour l'instant, ça coûte super cher les prototypes. J'ai fait une chaise... Mon idée, c'était un peu de faire comme une chaise en métal de jardin, mais très sophistiquée. Okay. J'aime bien le chiffre 3 et les formes rondes. Alors, c'était tout un délire autour de la Trinité, comme ça. Okay. Et c'est donc la chaise à 3 pieds, après une tige comme ça, ça fait comme une lune un peu, de moon chair, elle s'appelle. Et elle est dorée, à la feuille d'or et tapissée, tout ça. Est-ce qu'elle existe? Elle existe, oui, j'ai les prototypes. Et puis j'ai fait une lampe qui pourrait plaire à quelqu'un comme Tim Burton. Oui, ok, surréaliste. Une lampe avec une tête de nouveau-né en bronze. Okay. Et le bras de la lampe, c'est une mini colonne vertébrale. Ok. Donc, et puis la lumière sort de la tête. Mais pour moi, c'est pas du tout glauque. C'est, en fait, c'est comme la naissance, une nouvelle vie qui arrive, l'inspiration. J'ai fait la lumière aussi qui sort de là, la fontanelle, comme si vraiment c'était la lumière divine qui arrive et tout. Et elle est très belle, mais cet effet à la main, tout elle ça. Existe. Donc c'est pas, elle existe, mais après, il faut trouver quelqu'un qui a les moyens de l'acheter et tout. C'est, le projet, ça coûte super cher. Mais j'avais envie de faire une table de jeu aussi avec une copine architecte. Là, je vais aller me mettre avec elle pour faire la table parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au poker et tout ça en France. Il n'y a pas de très belles tables. Et j'avais envie de faire un truc un peu avec comme une double fonction, un peu le contraire de ce qu'on fait d'habitude. On met un tapis de jeu sur une table à manger. Et là, j'aurais fait une table à manger un peu en étain, là, comme un zinc de bar. Okay. Et hop, on enlève le cercle, ça fait comme un peu un objet d'art aussi. Puis en dessous, il y a une table de jeu, mais avec des super beaux tissus, tout est... Enfin bon, artistique, mais là, je dis, il faut que je vende un truc ou une chaise ou quelque chose avant de me relancer encore dans la production. Après, si c'est à perte. Ou alors, pour l'instant, j'ai fait des choses que j'avais envie d'avoir chez moi, donc ça va. Okay. Et la table, j'ai pas la place de la mettre, donc... Mais t'as-tu une formation pour te lancer là-dedans? Non, mais j'ai toujours aimé la décoration, le design et tout. Et puis, j'avais une maison à la campagne pendant 7 ans et j'avais entièrement redécoré moi-même. J'ai pas mal d'amis déco et j'ai toujours eu dans ma famille, ma mère, elle a vécu pendant 7 ans avec un artiste peintre qui s'appelle Tom Hopkins, okay, et dans pas mal de musées québécois d'ailleurs et tout, qui est mort il n'y a pas longtemps malheureusement. Et puis ma sœur aussi est artiste, illustratrice, À New York, à New York, et Catherine Lazur, elle s'appelle. Un site aussi, elle travaille pour pas mal de magazines et tout ça. Donc c'est le côté artistique, disons, que j'ai toujours. Puis je suis pas mal entourée, j'ai pas mal d'amis artistes, architectes, décorateurs, tout ça, j'aime bien. Sucks on down like an old asshole. She shoots speed right up her ass. She just shouts and une sensibilité plus, disons, ouais. Les matières, les formes et tout ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais j'ai pas vraiment de formation. J'aurais voulu peut-être que je ferais un jour un stage pour apprendre à faire les dessins à l'échelle, parce que ma copine Archie, elle m'a dit, mais... Ah, j'ai dit non, je peux pas le dessiner. Alors que maintenant, il y a les logiciels et tout. Ouais, j'ai des copains qui me disent, on peut te le mettre sur l'ordi. J'ai dit, oh non, je préfère quand c'est un peu artisanal, moi. Alors, ce que j'avais fait pour mes chaises, j'avais fait en pâte à modeler. Okay, comme bon. J'arrivais pas à expliquer, j'avais fait moi-même, j'avais fabriqué. Parce qu'avant, je faisais un peu de poterie quand j'étais petite. Ouais. Bon, ça, c'était pas très difficile à faire en même temps. J'ai fait mon petit modèle de chaise en pâte à modeler. Puis après, j'ai fait des rencontres. Après, c'est avec des. J'ai travaillé avec un super bon tapissier qui est un des grands. C'est la boîte qui s'appelle Domo et Pérez. Ils éditent plein de gens, de André Putnam, enfin ils ont travaillé d'ailleurs avec David Lynch sur un projet aussi, ils ont travaillé avec Pharrell Williams sur une chaise, après plein de gens, puis lui m'a aidé pour la tapisserie de mon truc, j'ai trouvé un ferronnier qui m'a fabriqué la chaise, qui m'a aidé aussi à trouver les proportions, on a fait ça un peu ensemble, donc après c'est des collaborations quoi. Comme dans le cinéma, finalement. Oh, ça, mais c'est comme au théâtre, comme en chant. Travail d'équipe, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça s'est improvisé, quoi. Ou si ben, à un moment, c'est que j'avais envie d'avoir une chaise et je ne la trouvais pas. Okay. Alors, je venais de faire recouvrir mon canapé parce que j'avais acheté un joli canapé, un peu designer, tout ça. Puis le gars, avant d'accepter de le recouvrir, il m'a dit il faut que je le voie pour voir s'il est encore en état, parce que sinon, ça ne sert à rien de refaire une housse et tout. Oh, je dis, oh là, j'avais honte parce qu'un des meilleurs tapissiers de France, il allait débarquer chez moi et j'avais des chaises que j'en avais marre des tissus qu'il y avait sur mes chaises et j'avais pas d'argent. Alors j'avais juste acheté là au marché Saint-Pierre du tissu, j'avais cloué moi-même, c'était super mal fait. Je dis, oh là là, il va voir les chaises, c'est la honte et tout. Alors le gars qui arrive assez jeune, sympathique et tout ça. Et puis je regarde, je dis, ouais, la prochaine étape, ça va être les chaises. Puis après, je me suis mise à chercher des chaises sur Internet, dans les boutiques et tout. Je trouvais pas ce que je cherchais. Il n'y avait rien qui te... Donc, je dis, ah, j'ai rencontré ce tapissier, tout ça. Peut-être que ça serait l'occasion de faire moi-même quelque chose. Ouais, voilà. La collaboration. Donc, ça a été un peu une circonstance des événements qui ont fait. Ça t'est arrivé. Puis, mais toi, quand tu fais ça. Moi, souvent, c'est les rencontres et tout. Après, ça donne envie de faire des choses. C'est quand, je trouve ce qui est beau dans la vie, c'est de pouvoir inspirer les autres et vice-versa. Quoi. Quand on est inspiré par quelqu'un, ça porte et puis ça donne envie de faire des choses. Et... Alors, toi, tu es ouverte à tout ce qui est artistique. Ben, ouverte, disons, je ne sais pas si je suis douée dans tout, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Moi, je m'intéresse en tout cas. Oui, c'est vrai. Ouais. Oser, c'est déjà beaucoup. Oui. Oser de faire un disque, oser d'écrire de la poésie, de rédiger, de traduire, de jouer au théâtre, c'est quand même audacieux. Puis d'écrire aussi des pièces. Et aujourd'hui, les gens sont assez conformistes, n'osent pas. Ben, ça a toujours été, en fait. Oui, c'est ça, non, mais ils se renferment dans un style et dans des sortes de... Marc, c'est vrai que vous avez raison, parce qu'il y a une époque, je pense, il y a très très longtemps, l'époque de Michel-Ange et tout ça, artistes, les scientifiques, tout ça, ça traînait ensemble, et puis souvent, les gens faisaient tout. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse beaucoup de parler avec des philosophes ou des scientifiques, tout ça, parce que je trouve que la pensée, à un certain endroit, ça se rejoint, quoi, c'est... Les idées, c'est intéressant de voir comment elles circulent et puis comment elles s'adaptent dans différentes formes et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est cloisonné. Même quand on est acteur, on est cloisonné souvent dans certains types de personnages, même de types de cinéma. Si les réalisateurs, ils n'aiment pas le réalisateur avec lequel vous avez travaillé ou ils considèrent que c'est trop commercial ou trop machin, ben les réalisateurs des cinémas d'auteur, ils vont vous snober ou... surtout en France, quoi. C'est vrai. Parce que quand on voit aux États-Unis, Tarantino, il est capable d'aller chercher Travolta, qui à l'époque, il faisait plus grand-chose de vraiment intéressant quand il l'a pris. Et c'est rare qu'on voit ça en France, ce genre de démarche, quoi. Mais c'est un homme assez exceptionnel aussi. C'est pas tout le monde. Tarantino, c'est un univers en soi. Et le cinéma québécois, ça évolue, mais grave. Moi, je garde beaucoup de contacts parce qu'en France, il y a beaucoup, la délégation du Québec, ils sont assez actifs. Et moi, j'y vais souvent. Et d'ailleurs, pour la Saint-Jean, il n'y a pas longtemps, j'y étais. Et puis, il y a le Festival du cinéma du Québec à Paris et tout ça. Il y a plusieurs événements. Il y a un cinéma formidable. Xavier Dolan, il est incroyable. J'ai hâte de voir le Momie. Je trouve que sincèrement, c'est un François Truffaut. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Moi, j'ai tout vu. C'est génial, non? Mais c'est un François Truffaut. Il est exceptionnel. Hein? Ah oui. Moi, j'avais adoré Les Amours imaginaires. Oui, le premier. Le suivant était un peu plus difficile, je trouve. Mais Mais c'est intéressant aussi, il y a toujours quelque chose. Puis il fait tout lui-même, pratiquement. Lui, c'est vraiment le Renaissance man, quoi. Il... Ben, c'est comme la Nouvelle Vague, hein? Oui, c'est ça comme aussi. Godard, Truffaut, artisanal, oui, ouais, c'est vrai. Oui, puis c'est un... Mais d'ailleurs, il paraît que c'est ce que Godard a dit quand ils ont eu le prix à Cannes ensemble. Ah, oui. Il a dit quelque chose comme, eh ben... Là, moi, je suis un vieux qui fait du cinéma de jeune, parce que lui, il a l'impression toujours de se remettre en cause et d'évoluer, Godard. C'est vrai, c'est vrai. Et il dit, mais lui, c'est un jeune qui fait du cinéma de vieux, parce qu'il a fait avec le format comme Godard faisait à l'époque, c'est vrai, apparemment. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est d'autres générations, c'est normal que ça, qu'il soit tenté d'expérimenter ce qu'il se faisait avant aussi, pourquoi pas. Hein. Puis en même temps, avec ça, tu peux renaître d'autres choses. Tu aussi, peux bien sûr, tu le revisites autrement, quoi. Ben c'est pas non plus... Tu sais, toi, tu l'assimilais d'une manière et tu le rejettes autrement. Exactement, c'est... bien sûr. Oh, les idées sont en commun, de toute façon. Hein. C'est, les gens sont connectés à des choses, c'est des mouvances comme ça qui, même sans vouloir copier consciemment, il y a des choses, on est tous influencés par les mêmes... On n'a rien inventé. Hein. Exactement. On change, on modifie, mais c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, ouais, ouais, une chanson d'amour, c'est presque bon. Et j'ai une discussion de la fin. Ouais. Et si tu étais un liquide? Ah, du vin, je crois. Lequel? Ou du champagne, peut-être. Champagne? Oui, je peux pas en boire tous les jours. Du champagne, c'est un peu rough, mais... OK. Non. Lequel? Vin rouge, sinon. Lequel champagne? Ah, le Ruinard, j'aime bien. OK. Non, parce que là, je prends ma feuille des 10 questions. La première, je la sais, mais les autres, je les sais un peu moins. Ah, ça, c'est... OK. Il y en a 10, ça. Si tu étais une ville? Si j'étais une ville... Paris, moi j'adore Paris, donc c'est pour ça que je suis ici depuis tellement longtemps aussi. Hein. Tu pourrais vivre en banlieue aussi, mais toi tu décides de vivre. Moi j'aime bien Paris, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ville-là? Ben, je trouve ça beau, je trouve ça juste beau, la manière dont ça a été dessiné, peut-être l'architecture et tout ça, puis avec cette Seine qui est dans le milieu comme ça, et les ponts, les deux rives, les places qui tournent. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours évidents là, mais l'endroit lui-même est beau et puis on mange bien et voilà, c'est l'histoire, c'est qu'on sent l'histoire. Ouais, l'Amérique c'est plus jeune et il y a moins ce sentiment d'histoire. Quoi. Ouais, ouais, ben oui. Si tu étais une langue? Ah ben je sais pas. Qu'est-ce que j'aime comme langue? Moi j'aime beaucoup le brésilien, enfin le portugais tel qu'il est parlé au Brésil. Je connais pas du tout, mais je trouve ça joli à entendre. As-tu déjà visité le Brésil? Oui, une fois dans un festival de films. J'aimerais bien y retourner d'ailleurs. Ok, mais... tu comprends pas la langue, mais t'aimes non. bien le... mais la je trouve la sonorité, voilà, la musicalité, je trouve ça super beau. Okay. C'est doux. Si tu étais une époque? Ben maintenant, hein. Je sais pas. Je pense qu'il ne faut pas être dans le regret, quoi. Moi, j'ai envie d'aller vers demain, quoi. Ok, tu es une fille actuelle, tu es une fille être ici et maintenant, quoi. Okay. Je sais pas, Ça te stimule davantage que les années 20 ou... Ben, ça peut... C'est sûr que, par exemple, Paris, dans les années même 50 et tout ça, à l'époque Gertrude Stein, tout ça, quand on imagine tous les artistes qui étaient là, même les artistes américains qui venaient trouver refuge à Paris et tout ça, et les musiciens et tout, les peintres, c'est sûr que ça devait être super stimulant dans les années 20 aussi. Ça, c'est des époques où les artistes, c'était quand même pas rien, quoi, d'être dans ces... Je pense qu'ils devaient peut-être plus s'entraider. À l'époque, il y avait moins de rivalité, je sais pas. Il y avait certainement leurs problèmes aussi, mais c'était plus une vraie famille. Que nous, au cinéma, des fois, j'ai l'impression que c'est comme une fausse famille, un peu. Mais c'est les années folles, hein? Oui, exactement. Si ça devait bien délirer, oui. Ben oui, si tu étais un mot. Tout. Tout? Oui. C'est un mot, tout. Ça rassemble bien des choses. Si tu étais un aliment. Un aliment. Alors, un fruit, par exemple, une mangue. OK. Pour la saveur, pour la couleur. La saveur, la couleur, la texture, le parfum, les vitamines que ça donne et tout. Si tu étais une saison? Le printemps. Déjà, je suis née au printemps, puis ben je c'est la nouvelle avril, vie. Avril, hein? Ouais. OK. Le 28. Et c'est la renaissance, c'est... Exactement, oui, le après renouveau. Un long hiver... Ouais, surtout les longues hivers que vous avez eues cette année, il paraît que c'était terrible. Hein. Ben moi, je m'habitue à l'hiver. Moi, comme disait Gilles Vigneault, mon pays, c'est l'hiver. Ben oui, j'ai aucun problème avec ça. Si tu étais un membre corporel? Un membre corporel, c'est drôle comme question, ça. Ben, je sais pas, un doigt ou une main pour pouvoir toucher. Écrire. Ouais, aussi, ouais. Le côté sensoriel. On peut faire tellement de choses différentes. Oui, serrer, la main, serrer la main, toucher les autres. Et, Si tu étais un moment de la journée? Moi, j'aime bien la nuit. OK. Je sais pas si c'est la journée, la nuit, mais... Oui, oui, c'est un moment. Quand il fait nuit, j'aime bien le mystère et le... C'est comme un peu comme être dans les aéroports, c'est des lieux, des moments qui sont un peu indéfinis comme ça, où tout est possible, on a l'impression, on ressent plus l'infini, je trouve, dans la nuit. Puis surtout que la création est toujours plus fine la nuit, parce que tout est tranquille. On contrôle moins, puis c'est tranquille, exactement. Ouais. Et toi, étant maman, la nuit, c'est un moment pour dormir. C'est le moment de repos aussi, mais t'es obligé de dormir aussi en même temps. Oui, parce que le lendemain matin... Il faut se réveiller pour l'école, oui. Exactement. Si tu étais un autre individu... Ah, ouais. Ben, je ne sais pas, justement, quand on parlait de Paris à ces époques-là, un peu d'Henri Miller, tout ça, par quelqu'un comme Anaïs Nin, par exemple, ça devait être une vie aussi assez intéressante, je pense. Alors, c'est ça, tu voudrais être Anaïs Nin ou... Bah oui, j'aurais pu, mais c'est vrai que c'est dans le passé. Alors, un autre individu d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas vraiment genre à jalouser les gens ou quoi. Tu aurais voulu rencontrer ton Henri Miller? Mais elle a fait des choses elle-même aussi, elle a écrit des super belles choses et tout ça. C'est sympa, c'est d'avoir des rencontres fortes dans la vie et aussi de créer soi-même, quoi, ou en collaboration avec d'autres. Et pas trop dans la souffrance, cela dit, elle était pas mal dans la souffrance elle aussi, je crois. Pas autant que la Camille Claudel, là, elle, la pauvre, c'était vraiment terrible. Mais... Ouais, mais c'est parce qu'elle avait de la pression. Un peu. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ah, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, donc on peut juste continuer. Je souhaite que mon chemin et que je puisse avoir la santé et puis de pouvoir le continuer longtemps et que j'espère qu'il y a plein de découvertes qui m'attendent. Quoi. À venir, ouais. Puis tu as des projets, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de projets aussi hétéroclites que le design, que le théâtre, que peut-être éventuellement même de la musique, même si tu ne pourras pas partir en tournée vu que tu as un... Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il y a une occasion qui se présente aussi, une autre rencontre, quelqu'un qui a envie que je fasse... des fois, il y a des duos, des choses comme ça qui peuvent se faire aussi, vrai, des choses un peu ponctuelles. Ça peut être intéressant, oui. On ne sait jamais. Pourquoi pas, On ne sait jamais si un certain aime... Oui, c'est marrant. On a des amis en commun un peu. Oui, Mathieu Chédid. C'est un homme qui est présenté à Montréal pour le festival. Son frère est intéressant aussi. L'autre fois, j'étais chez eux à la campagne. En fait, le frère, il fait pas mal de musique aussi. Sa fille aussi. La sœur, elle est choriste aussi. Émilie, elle s'appelle, je crois. Et le frère, Joseph, Jo. Oui. Mais je crois qu'il a un nom d'artiste aussi. Je sais plus. Ils sont tous musiciens. Ils sont tous... Son père, Oui, bien sûr, ça vient de là. ça commence là. Ah oui, ça c'est vraiment un univers. Il faudrait que vous arriviez à l'interviewer un jour celui-là. Mais peut-être à Montréal. Ben moi je l'ai croisé l'année dernière. On prenait le même avion. C'est plus facile peut-être à Montréal. Vous étiez dans le même avion. Oui, on était dans le même avion, mais lui parce qu'il faisait il faisait le festival d'été à Québec. Donc on s'est vu, on était dans le même. Comme là j'ai croisé Arthur Ashe. Ah oui, il est intéressant. Oui, ben il reste dans le J'aime beaucoup ce qu'il faisait au début aussi. J'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais j'aime beaucoup ça. Avec Brad Scott et tout ça. Il est très simple comme ça, assez pur. Trio. C'est des joli, improvisations, hein. Cool jazz. C'est beau. Ouais, c'est vrai. Ben Gabrielle Lazur, merci d'être passé. Ben merci à vous pour l'invitation. C'était une petite escapade là, à Montmartre. Ben oui, c'est un endroit idéal pour ça. Ouais. Et il y a plein de gens qui se croisent et donc peut-être que tu viendras vers Québec et. C'est possible. Ouais, ben je vais être à Montréal un petit peu cet été là. Donc, Mais Québec c'est tellement plus beau. Québec c'est beau. Hein, ben oui, c'est le petit Paris. Réinvité à. Mais ça ressemble un peu trop à un musée, je trouve. C'est ça que je reproche. Ben dans le vieux Québec. Il y a des dans le vieux Québec il y a des trucs qui sont comme on dirait que c'est même pas habité, quoi. Ben, au contraire, c'est de plus en plus habité. Ça change moins beaucoup, touristique, quoi, parce qu'il y a des moments, ça rappelle un peu le Mont-Saint-Michel, quoi, tous les gens qui se promènent. Ah oui, effectivement, oui, mais c'est ça. Parce qu'il faut peut-être pas y aller en plein été, ça doit être plus sympathique hors saison, je pense. Oui, effectivement. Parce que c'est joli, c'est vrai que c'est beau, hein. Oui, c'est très, très beau. Au bord de l'eau, comme ça et tout. Puis on reconnaît un peu la France, là. Oui, c'est ça, l'architecture. Oui, les bateaux arrivent chez nous. Moi j'avais vu ça une fois avec mon père, l'arrivée des grands voiliers anciens, là, c'était super beau. Ah oui, ça c'est en 84. Ouais. Le vide monumental. L'hôtel, le château Frontenac, ben oui. Là, tout ça. Ben exactement, oui. Puis ça, c'est toujours... C'est une des plus belles merveilles au Québec. Ah, c'est beau, hein? Oh, c'est très beau. Il est énorme, cet hôtel. Hein. Oui, puis même si... pour avoir un château, il faut avoir une reine et un roi. On a peut-être joué là-dessus pour lui octroyer un faux roi puis une fausse reine. Alors, merci d'être passé à mon émission. OK. Et puis, comme on dit chez nous, à la revoyure. À la revoyure, alors. OK. OK, d'abord. We'll be right back.